Le wagon roulait depuis 3 nuits et 3 jours maintenant. Les consciences étaient anéanties et la raison se dissolvait dans l'univers réduit à quelques mètres carrés. Comme l'espoir, la chaleur des voix humaines avait diminué, puis s'était figée. Dans cette antichambre de l'enfer où l'air ne circulait presque plus, les hommes inspiraient, expiraient et exudaient une peur putride. Les corps affaissés ne cherchaient plus à donner le change. Le règne de l'apparence était mort. Aucun des prisonniers ne parlait. Leurs yeux dilatés par l'obscurité et l'effroi reflétaient la même incompréhension. Les hommes, assis côte à côte, à même le sol du wagon, se regardaient sans se voir. L'un d'eux porta la main à l'échancrure de sa chemise pour la dégrafer, avec l'espoir que ce geste lui permettrait de mieux respirer. Sa main effleura un bijou à fermoir. Il dégrafa le sautoir et fit couler au creux de sa paume un camé qu'il ouvrit délicatement. Il faisait trop sombre pour qu'il puisse voir quoi que ce soit. Son index parcourut délicatement l'intérieur du bijou dans lequel une photo de femme reposait. La seule qui eût vraiment compté pour lui. Celle à laquelle il pensait chaque jour en se levant, lui reprochant doucement de l'avoir laissée seule au monde, avec un vide que rien ne pouvait combler, un trou douloureux comme un passage de balle à travers la chair. La photographie immortalisait ce doux sourire dont elle lui avait si souvent fait cadeau, la fraîcheur d'une joue qu'elle aimait poser contre la sienne comme un baume universel contre toutes les douleurs de l'enfance. Il avait cru, en la perdant, vivre la plus grande des tortures infligées à l'homme. On l'avait amputé à vivre d'une partie de lui-même. Ses entrailles avaient vomi ce cri qui ne franchissait pas ses lèvres aujourd'hui. Pourquoi ? Il découvrait que le pire n'existait pas, parce que pire était toujours possible. Il savait qu'il allait mourir parce que le vide avait grandi en lui. Il n'en éprouvait aucun soulagement. Il aurait voulu pouvoir se confier à elle une dernière fois, enfouir son visage dans la douceur de sa chevelure, se ressourcer à la transparence de son regard aimant de fille-mère, pourtant si mal aimée des hommes. Lui demander d'effacer avec une tendre grimace l'ignominie qu'il vivait, la cruauté de l'autre femme, celle qui l'avait dénoncée à la Gestapo, sans qu'il sache vraiment quel mal il avait fait. Il ne la connaissait pas. Il avait lu Rousseau et croyait comme lui à la bonté intrinsèque de l'homme. De quelle corruption sociale l'accusait-on ? Après la mort et l'enterrement de sa mère, il s'était contenté de survivre, enchaînant les gestes rapidement pour se jeter épuisé sur son lit le soir. Il accomplissait tout ce qu'il commençait à toute allure, comme si, en vivant vite, il se donnait une chance de mourir plus rapidement. Son rendement était 2 fois plus élevé que celui de ses camarades à l'atelier. Il mangeait en 10 minutes, buvait ses demi d'un trait, rangeait sa chambre en un tour de main. Même ses amours, il les choisissait fugitives, éphémères et la plupart du temps anonymes. Les gens le disaient vertueux, efficace et zélé. Comme André, qui avait pris en pitié et en apprentissage dans sa menuiserie l'homme qu'il n'était pas tout à fait encore, du haut de ses 15 ans. André, avec patience, avait veillé sur lui, l'avait consolé, encouragé, tentant de lui redonner le goût d'exister comme on donne la béquée. Il lui avait réappris à écouter, puis à parler, à se nourrir, puis à manger, à sortir pour se divertir. C'est ainsi qu'il avait pris l'habitude de s'aventurer dans les bois des environs de Paris. Et c'est là que les SS l'avaient cueilli comme un fruit vert tombé au milieu de fruits plus mûrs, prenant son plaisir. La femme inconnue l'avait désigné du doigt et ils avaient hurlé « Schweinhund !» en sortant leur schlag. Il se demandait avec effroi laquelle de ces deux images de femme, de celle qu'il caressait sans avoir besoin de la regarder au fond du camé, ou de l'autre, qui le regardait se couvrir de sang, s'imprimerait sur sa rétine au moment où il fermerait les yeux pour la dernière fois. De celle qui lui avait transmis la vie en espérant que son inévitable revers, la mort, arrive le plus tard possible, ou de celle qui, sans raison cohérente, avait décidé qu'il mourrait jeune. Une tour à peu sur sa droite le sortit de son hébétude. Machinalement, il demanda « Je peux t'aider ?» Il n'obtint pas de réponse, mais une main se referma sur son bras. Comme si ce contact humain avait eu des vertus curatives, la toux s'apaisa et un long sifflement le remplaça. La main se relâcha, quitta le bras et entreprit de chercher en vain dans une poche un aérosol. Le tube avait chuté sous une table au moment de la rafle. Il n'avait pas eu le temps de protester, d'expliquer, pas même celui de ramasser le précieux objet, La crise d'asthme l'étouffait et les gendarmes l'avaient embarqué, plié en deux, fou d'angoisse, et l'avaient jeté avec tous les autres dans un fourgon. Bien sûr, il ne l'avait pas cru. Son obstination à répéter le même récit ne lui avait valu que des vexations, 3 jours d'emprisonnement et son transfert jusqu'au train. Pourtant, il avait dit la vérité. Sa présence dans la boîte de nuit n'était que le fruit du hasard. Il sortait rarement et jamais dans des lieux enfumés où il pouvait se sentir mal. Il s'apprêtait d'ailleurs à quitter Paris pour un séjour prolongé à la montagne. L'état de ses poumons ayant suffisamment inquiété le médecin de famille pour qu'il lui prescrive quelques semaines de vrai repos en altitude. C'est pour cela que son cousin Jacques lui avait donné rendez-vous à Montmartre, pour fêter l'événement, avait-il précisé. Son premier réflexe avait été de refuser l'invitation. Son cousin l'irritait. Il n'aimait pas sa façon de prétendre offrir quand il prenait, de faire mine de faire plaisir alors qu'il se servait. Jacques était un flambeur désargenté, un jouisseur sans scrupules. Prenant prétexte de son départ, il lui avait proposé une virée pour se faire inviter. Mais il avait changé d'avis. Il partait le lendemain et pouvait s'offrir la double satisfaction de passer une dernière soirée dans un joli coin de Paris et de donner une leçon à son profiteur de parents. Il avait donc prévenu Jacques qu'il acceptait son invitation avec d'autant plus de bonheur qu'il était dans une passe financière difficile. Il avait l'intention de prendre le maximum de bon temps et de contraindre Jacques à payer. Mais Jacques n'était pas venu. Il l'avait attendu une bonne demi-heure devant chez Michon. Le spectacle avait commencé quand il s'était enfin décidé à entrer, en essayant de se persuader, sans y croire vraiment, que Jacques s'était peut-être précipité à l'intérieur pour n'avoir à payer qu'une seule entrée. Sur scène, les actrices et chanteuses célèbres qui imitaient les artistes semblaient plus réelles que vraies. Le trouble était palpable dans l'assistance et les spectateurs riaient pour le masquer. Mais quand un transformiste incandescent s'appuyait sur les genoux d'un client et volait un baiser à la naissance de son cou de taurin ou de son crâne dégarni, personne n'était dupe. Derrière la parodie se cachait mal l'ambiguïté. Il était en train de se demander s'il ne valait pas mieux pour lui de rentrer se coucher quand une quinte de toux l'avait plié en deux. On aurait dit un signal. La porte à hutons du cabaret s'était ouverte à deux battants, tandis que se mêlaient les cris rauques des artistes, les jurons du public et les ordres gutturaux de deux longues redingotes de cuir noir, suivies d'une demi-douzaine de gendarmes. Il avait été enfermé avec quelques artistes dans une pièce, puis on était venu le chercher pour lui poser des questions qui n'attendaient pas vraiment de réponse, tant elles portaient en elles de chefs d'accusation. Les artistes avaient été battus sous ses yeux parce que, avaient dit les tortionnaires en riant, il était juste qu'il assistât jusqu'au bout à la représentation qu'il avait payée. Il avait nié. On ne l'avait pas cru. L'homme asthmatique inspira lentement et tendit le regard vers le fond du wagon où d'autres formes répandues sur le sol gémissaient dans le noir. Tendant les jambes pour tenter de trouver une impossible position de confort, il heurta un corps recroquevillé et murmura « Pardon ». Le corps se redressa et dit d'une voix ferme « L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir, par la glace, grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras la jouer gratignée, un petit baiser comme une forêt araignée te courra par le cou. Et tu me diras « cherche » en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup, c'est de Rimbaud. » Puis il se mit à rire en secouant les épaules doucement. Il n'eut pas le temps d'expliquer à ses compagnons ce qu'il trouvait de si amusant à ce poème, car il y eut un hoquet de tout le wagon, suivi du sanglot déchirant des roues grinçant sur les rails. Le train s'arrêtait. Le temps d'un souffle, les hommes parqués prostrés depuis si longtemps, communièrent dans un silence total. Puis la lourde porte s'ouvrit et en même temps que l'air réanimant les consciences, les coups et les cris envahirent l'habitacle. Les 3 hommes se redressèrent et sortirent en titubant du wagon. On les rassembla dans une cour sinistre, puis on leur cria en allemand qu'ils ne méritaient pas de vivre comme des hommes libres. Alors on les rasa et on leur donna un pantalon et une vareuse de toile rêche sur laquelle était cousu un triangle de tissu rose.